Section 5. Chapitre 33 à 40. Chapitre 33. Suite. Minorité et majorité dans le Parlement d'Angleterre. Les troubles qui commencèrent à agiter l'Angleterre vers la fin du règne de Jacques Ier donnèrent naissance aux deux divisions qui sont depuis cette époque restées distinctes dans le Parlement de la Grande-Bretagne. L'opposition, d'abord connue sous le nom de Parti de la Campagne, Country Party, traîna peu après le malheureux Charles Ier à l'échafaud. Sous le règne de son successeur, la minorité prit la célèbre appellation de Whig, et, sous un homme dévoré de l'esprit de faction, Lord Shaftesbury fut sur le point de replonger l'État dans les malheurs d'une révolution nouvelle. Jacques II, par son imprudence, fit triompher le parti des Whigs, et Guillaume III s'empara d'une des plus belles couronnes de l'Europe. La reine Anne, longtemps gouvernée par les Whigs, retourna ensuite aux Tories. Le rappel du duc de Marlborough sauva la France d'une ruine presque inévitable. George Ier, électeur de Hanovre, soutenu de toute la puissance des premiers qui le portaient au trône, se livra à leurs conseils. Ce fut sous le règne de George II que la minorité commença à se faire connaître sous le nom de « Parti de l'opposition » qu'elle retient encore de nos jours. Elle obtint alors plusieurs victoires célèbres, elle renversa Sir Robert Walpole, ministre qui, par son système pacifique, s'était rendu cher au commerce. Bientôt, elle parvint à mettre à la tête du cabinet le grand Lord Chatham, qui éleva la gloire de sa patrie à son comble dans la guerre de 1754, si malheureuse à la France. Lord Bute, ayant succédé à Lord Chatham, peu après l'avènement de sa majesté régnante au trône d'Angleterre, l'opposition perdit son crédit. Elle tâcha de le recouvrer dans l'affaire de M. Wilkes, membre du Parlement, décrété pour avoir écrit un pamphlet contre l'administration. Mais le fatal impôt du timbre, qui rappelle à la fois la Révolution américaine et celle de la France, lui donna bientôt une nouvelle vigueur. Telle est la chaîne des destinées. Personne ne se doutait alors qu'un bill de finances passé dans le Parlement d'Angleterre en 1765 élèverait un nouvel empire sur la terre en 1782 et ferait disparaître du monde un des plus antiques royaumes de l'Europe en 1789. L'opposition crut avoir remporté un avantage signalé sur le ministre lorsqu'elle eut obtenu le rappel de ce trop fameux impôt, et il n'est pas moins certain que ce fut ce rappel même, encore plus que le bill, qui a causé la révolution des colonies. Trois ministres se succédèrent rapidement après cette première irruption du volcan américain. Les rênes du gouvernement s'arrêtèrent enfin entre les mains de Lord North, qui, de même que ses prédécesseurs, avait adopté le système des taxes d'outre-mer. L'insurrection des Bostoniens, lors de l'envoi du thé de la Compagnie des Indes, ne fut pas plutôt connue en Angleterre que l'opposition redoubla de zèle et d'activité. Lord Chatham reparut dans la chambre des pairs et parla avec chaleur contre les mesures du cabinet. Sa motion étant rejetée par une majorité de 58 voix, les moyens coercitifs restèrent adoptés dans toute leur étendue. Bientôt après, le sang coula en Amérique, j'ai vu les champs de Lexington, je m'y suis arrêté en silence, comme le voyageur au Thermopyles, à contempler la tombe de ces guerriers des deux mondes qui moururent les premiers pour obéir aux lois de la patrie. En foulant cette terre philosophique, qui me disait, dans sa muette éloquence, comment les empires se perdent et s'élèvent, j'ai confessé mon néant devant les voies de la Providence et baissé mon front dans la poussière. Grand exemple des malheurs qui suivent tôt ou tard une action immorale en elle-même, quels que soient d'ailleurs les brillants prétextes dont nous cherchons à nous fasciner les yeux et la politique fallacieuse qui nous éblouit. La France, séduite par le jargon philosophique, par l'intérêt qu'elle crut en retirer, par l'étroite passion d'humilier son ancienne rivale, sans provocation de l'Angleterre, viola, au nom du genre humain, le droit sacré des nations. Elle fournit d'abord des armes aux Américains, contre leur souverain légitime, et bientôt se déclara ouvertement en leur faveur. Je sais qu'en subtile logique, on peut argumenter de l'intérêt général des hommes dans la cause de la liberté. Mais je sais que, toutes les fois qu'on appliquera la loi du tout à la partie, il n'y a point de vice qu'on ne parvienne à justifier. La Révolution américaine est la cause immédiate de la Révolution française. La France déserte, noyée de sang, couverte de ruines, son roi conduit à l'échafaud, ses ministres proscrits ou assassinés, prouve que la justice éternelle, sans laquelle tout périrait en dépit des sophismes de nos passions, a des vengeances formidables. C'est une tâche pénible et douloureuse pour un Français, dans l'état actuel de l'Europe, que la lecture de cette période de l'histoire américaine. Souvent ai-je été obligé de fermer le volume, oppressé par les comparaisons les plus déchirantes, par un profond et muet étonnement à la vue de l'enchaînement des choses humaines. Chaque syllabe de Ramsay retentit amèrement dans votre cœur lorsqu'on voit l'honnête citoyen vanter, contre sa propre conviction, la duplicité de la conduite de la France envers l'Angleterre. Mais, lorsqu'avec un cœur brûlant de reconnaissance, il vient à verser les bénédictions sur la tête de l'excellent Louis XVI, lorsqu'il arrive à cet endroit où M. de Lafayette, recevant la première nouvelle du traité d'alliance, se jette avec des larmes de joie dans les bras de Washington, qu'au même instant, la nouvelle volant dans l'armée au milieu des transports, le cri de « longue vie au roi de France » s'échappe involontairement à la fois de 1000 bouches et de 1000 cœurs. Le livre tombe des mains, le coup de poignard pénètre jusqu'au fond des entrailles. « Américain, Lafayette, votre idole n'est qu'un scélérat. Ces gentilshommes français, jadis le sujet de vos éloges, qui ont versé leur sang dans vos batailles, ne sont que des misérables couverts de votre mépris, et à qui peut-être vous refuserez un asile. Le père Auguste de votre liberté, un de vous, ne l'a-t-il pas jugé? N'avez-vous pas juré amour et alliance à ces assassins, sur sa tombe? » Durant tout le reste de la guerre, l'opposition ne cessa de harceler les ministres, et devint de plus en plus puissante, en proportion des calamités nationales. C'était alors que M. Burke lançait comme la foudre son éloquence sur la tête des ministres. Ce grand orateur, qui possède un des plus beaux talents dont l'homme ait été jamais dignifié, se surpassa lui-même dans ces circonstances. Il remonta jusqu'à la source des troubles des colonies, en traça fièrement les progrès, et avec ce génie inspiré qui lui a fait tant de fois prévoir l'avenir, plaida la cause de la liberté américaine dans le langage sublime et pathétique de Démosthène. Enfin, le 27 de mars 1782, l'opposition remporta une victoire complète. Le cabinet fut changé et le marquis de Rockingham placé à la tête du gouvernement. La paix étant rétablie entre les puissances belligérantes, l'opposition se joignit au parti du ministre disgracié. M. Fox et Lord North formèrent ce qu'on appela la coalition des chefs, qui entraînait après elle la majorité du Parlement. Lord Shelburne, successeur du marquis de Rockingham, mort le 1er juillet 1782, fut obligé de se retirer. Et M. Fox, Lord North et le duc de Portland se saisirent du timon de l'État. M. Fox n'occupa que quelques instants le ministère, son fameux bill de la Compagnie des Indes ayant été rejeté dans la Chambre des Pairs. Il remit peu après les sceaux de son emploi et M. Pitt remplaça le duc de Portland comme premier lord de la trésorerie. Les principales opérations du gouvernement depuis l'ascension de M. Pitt aux affaires ont été, premièrement, le bill de ce ministre concernant la Compagnie des Indes du 5 juillet 1784. Deuxièmement, celui du 18 avril 1785 en faveur d'une réforme parlementaire rejeté par une majorité de 74 voix. Troisièmement, le plan de liquidation de la dette nationale par l'établissement d'un fonds d'amortissement, 1786. Quatrièmement, l'acte de la traite des nègres et de l'amélioration du sort de ses esclaves, 21 mai 1788. La nation était au fait de la prospérité et M. Pitt, qui n'avait pas encore atteint sa 30e année, avait montré ce que peut un seul homme pour la prospérité d'un État. La maladie du roi, qui suivit peu de temps après, arracha la faveur du public à l'opposition et couvrit le ministre de gloire. Sa Majesté, rendue aux vœux de tout un peuple, qui lui témoigna par des marques de joie, d'autant plus touchantes qu'elles coulaient naturellement du cœur, à quel point elle était adorée, reprit bientôt les rênes de son empire, et elle continue à faire le bonheur de ceux qu'une fortune a mis à ranger au nombre des sujets britanniques. À la fin de cette courte histoire de l'opposition, nous placerons les portraits des deux hommes célèbres, depuis si longtemps l'objet des regards de l'Europe, et qui ont eu une si grande influence sur la Révolution française. Chapitre 34. Monsieur Fox Monsieur Pitt. Tel que nous avons vu paraître à la tête de la minorité et de la majorité dans le Sénat de Carthage, les plus beaux talents et les premiers hommes de leur siècle, tels, différents de mœurs, d'opinions et d'éloquence, brillent dans le Parlement d'Angleterre les deux grands orateurs dont nous essayons d'ébaucher une faible peinture. Monsieur Fox, plein de sensibilité et de génie, écoute son cœur lorsqu'il discourt et se fait entendre ainsi au cœur sympathique. Savant dans les lois de son pays, modéré dans ses sentiments politiques, connaissant la fragilité humaine et réclamant pour les autres la même indulgence dont il peut avoir besoin pour lui, on le trouve rarement dans les extrêmes où, s'il s'y laisse entraîner quelquefois, ce n'est que par cette chaleur des temps dont il est presque impossible de se défendre. Mais quand il vient à élever une voix touchante en faveur de l'infortuné, il règne, il triomphe. Toujours du parti de celui qui souffre, son éloquence est une richesse gratuite, qu'il prête sans intérêt aux misérables. Alors il remue les entrailles, alors il pénètre les âmes, alors une altération sensible dans les accents de l'orateur décèle tout l'homme. Alors l'étranger dans la tribune résiste en vain, il se détourne et pleure. Haine d'un parti, idole de l'autre, cela reproche à M. Fox des erreurs, ceci exalte ses vertus. Il ne nous appartient pas de prononcer. Lorsque le fracas des opinions et des fatigues d'une vie publique auront cessé pour cet homme célèbre, le moment de la justice sera venu. Mais quel que soit le jugement de la postérité, les malheureux des temps à venir, qui forment la majorité dans tous les siècles, diront « Il aima nos frères d'autrefois, il parla pour eux ». Lorsque M. Pitt prend la parole dans la Chambre des communes, on se rappelle la comparaison qu'Homère fait de l'éloquence d'Ulysse à des flocons de neige, descendant silencieusement du ciel. Ému, échauffé à la voix du représentant opposé, l'assemblée, pleine d'agitation, flotte dans l'incertitude et le doute. Le chancelier de l'échiquier se lève, et sa logique, qui tombe avec grâce et abondance, vient éteindre une chaleur inutile, toujours dangereuse au législateur. Chacun étonné, sans ses passions se refroidir, le prestige du sentiment se dissipe, il ne reste que la vérité. Placé à la tête d'une grande nation, M. Pitt doit avoir pour ennemis et les hommes dont son rang élevé attire l'envie et ceux dont il combat les opinions. Le texte des déclamations contre le ministre britannique est la guerre funeste dans laquelle l'Europe se trouve maintenant enveloppée. Les principes en ont été souvent discutés. Quant à la manière dont elle a été conduite, l'injustice des reproches qu'on a fait là-dessus au chancelier de l'échiquier doit frapper les esprits les plus prévenus. Veut-on prendre pour exemple des hostilités présentes, les combats réguliers d'autrefois? Où sont ces petits esprits qui calculent pertinemment ce qu'on aurait dû faire pour ce qu'on a fait jadis, qui ne voient dans la lutte actuelle que des batailles perdues ou gagnées, et non le génie de la France, dans les convulsions d'une crise amenée par la force des choses, déchirant comme l'Hercule de Doétan ceux qui osent l'approcher, lançant leurs membres ensanglantés sur les plaines cadavéreuses de l'Italie ou de la Flandre, et s'apprêtant à tourner, sur lui-même, des mains forcenées. On pourrait soupçonner qu'il existe des époques inconnues mais régulières auxquelles la face du monde se renouvelle. Nous avons le malheur d'être nés au moment d'une de ces grandes révolutions. Quel qu'en soit le résultat, heureux ou malheureux pour les hommes à naître, la génération présente est perdue. Ainsi le furent celles du 5e et du 6e siècle, lorsque tous les peuples de l'Europe, comme des fleuves, sortirent soudainement de leur cours. Qui serait assez absurde pour exiger que M. Pitt pût vaincre, par des mesures ordinaires, la fatalité des événements? Il y a des circonstances où les talents sont entièrement inutiles. Qu'on me donne le plus grand ministre, un Ximénès, un Richelieu, un J. de Witt, un Chatham, un Kaunitz, et vous le verrez se rapetisser et pour ainsi dire disparaître sous la pondération des choses et des temps actuels. Il ne s'agit plus des cabales obscures ou coupables de quelques cabinets intrigants, d'un champ disputé dans les déserts de l'Amérique. Ce sont maintenant les masses irrésistibles des nations qui se heurtent et se choquent au gré du sort. Guerres au dehors, factions au dedans, mésintelligences de toutes parts, des ennemis dont les opinions ne font pas moins de ravages que leurs armes, des peuples corrompus, des cours vicieuses, des finances épuisées, des gouvernements chancelants. Pour moi, je l'avouerai, ce n'est pas sans étonnement que je vois M. Pitt portant seul, comme Atlas, la voûte d'un monde en ruine. Chapitre 35. Suite du parallèle entre Carthage et l'Angleterre. La guerre et le commerce. Hannibal, Marlborough, Hannon, Cook. Traduction du voyage du premier, extrait de celui du second. Il ne nous reste plus qu'à considérer Carthage et l'Angleterre dans leur esprit guerrier et commerçant. J'ai déjà touché quelque chose de cet intéressant sujet. Ajoutons que, par un jeu singulier de la fortune, la rivale de Rome et celle de la France ne comptèrent chacune qu'un grand général. La première, Hannibal, la seconde, Marlborough. Un parallèle suivi entre ces hommes illustres nous écarterait trop de notre sujet. Il suffira de remarquer que, tous les deux employés contre l'antique ennemi de leur patrie, ils le réduisirent également à la dernière extrémité et furent sur le point d'entrer en triomphe dans la capitale de son empire. Qu'on leur reprocha le même défaut, l'avarice, enfin que, tous deux rappelés dans leur pays, ils n'y trouvèrent que l'ingratitude. Quant au commerce, en ayant déjà décrit l'étendue, je me contenterai de citer un fait peu connu. Carthage est la seule puissance maritime de l'Antiquité qui, de même que l'Angleterre, ait imaginé des lois prohibitives pour ses colonies. Celle-ci était obligée d'acheter au marché de la mère patrie les divers objets dont elle se faisait besoin et ne pouvait s'adonner à la culture de telle ou telle denrée. On juge par ce trait jusqu'à quel degré la vraie nature du commerce et les calculs du fisc étaient entendus de ce peuple africain. Peut-être aussi y trouverait-on la cause des troubles qui ne cessaient d'agiter les colonies puniques. Que si encore deux gouvernements se livrent aux mêmes entreprises, suggérées par des motifs semblables, on doit en conclure que ces gouvernements sont animés d'une portion considérable du même génie. Or, nous voyons que ceux de Carthage et d'Angleterre furent souvent mus, d'après de semblables principes, vers des objets de prospérité nationale. Nous allons rapporter les deux voyages entrepris pour l'agrandissement du commerce dans l'Ancien Monde et dans le monde moderne. Le premier, fait par ordre du Sénat de Carthage, à une époque qui n'est pas exactement connue, le second, exécuté de nos jours par la munificence du roi de la Grande-Bretagne. Hannon, qui commandait l'expédition carthaginoise, devait, en entrant dans l'océan par le détroit de Gad ou de Gadir, découvrir les terres inconnues en faisant le tour de l'Afrique et jetant çà et là des colonies sur ses rivages. Sans l'usage de la boussole, avec une imparfaite connaissance du ciel et de frêles barques souvent conduites à la rame, lorsqu'on se représente qu'il aurait fallu affronter les tempêtes du Cap de Bonne-Espérance, si longtemps la borne redoutable des navigateurs modernes, on ne peut que s'étonner du génie hardi qui poussait les Carthaginois à ces entreprises périlleuses. Le dessein échoua en partie. De retour dans sa patrie, Hannon publia une relation de son voyage, et son journal étant traduit en grec par la suite, nous a par ce moyen été conservé. La brièveté et l'intérêt de l'unique monument de littérature punique qui soit échappé aux ravages du temps m'engagent à le donner ici dans son entier. Nous placerons, selon notre méthode, un des morceaux les plus piquants du voyage de Cook auprès de celui de l'amiral carthaginois. On sait que le premier de ces deux navigateurs fut employé à la découverte d'un passage de la mer du Sud dans l'Atlantique par les mers septentrionales de l'Amérique et de l'Asie. Voyage par mer et par terre au-delà des colonnes d'Hercule, fait par Hannon, roi des Carthaginois, qui, à son retour, voua dans le temple de Saturne la relation suivante. Le peuple de Carthage m'ayant ordonné de faire un voyage au-delà des colonnes d'Hercule pour y fonder des villes libyphéniciennes, je mis en mer avec une flotte de 60 vaisseaux à 50 rames, ayant à bord une grande quantité de vivres, d'habits et environ 30 000 personnes, tant d'hommes que femmes. 2 jours après que nous eûmes fait voile, nous passâmes le détroit de Gad et jetâmes le lendemain sur la côte d'Afrique, dans un lieu où s'étend une plaine considérable, une colonie que nous appelâmes Timiaterium. De là, cinglant à l'ouest, nous fîmes le cap Soloent sur la côte de Libye, promontoire couvert d'arbres, où nous élevâmes un temple à Neptune. Dirigeant notre course à l'Orient, après un demi-jour de navigation, nous atteignîmes, à peu de distance de la mer, la hauteur d'un lac plein de grands roseaux où nous vîmes des éléphants et plusieurs autres animaux sauvages paissant çà et là. Un jour de navigation de ce lac, nous fondâmes plusieurs villes maritimes, Sitte, Accra, Mélisse, etc. Durant notre relâche, nous avançâmes jusqu'au grand fleuve Lixa, qui sort de la Libye, non loin des nomades. Nous y trouvâmes les Lixiens, qui s'occupent de l'éducation des troupeaux. Je demeurai quelque temps parmi eux et conclus un traité d'alliance. Au-dessus de ces peuples habitent les Éthiopiens, nation inhospitalière dont le pays est rempli de bêtes féroces, entrecoupées de hautes montagnes, où l'on dit que le Lixa prend sa source. Les Lixiens nous racontaient que ces montagnes sont fréquentées par les troglodytes, hommes d'une forme étrange et plus légers que les chevaux à la course. Je fis ensuite, avec des interprètes, 2 journées au midi dans le désert. À mon retour, j'ordonnai qu'on levât l'ancre et nous courûmes pendant 24 heures à l'est. Au fond d'une baie, nous trouvâmes une petite île de 5 stades de tour à laquelle nous donnâmes le nom de Cerne et y laissâmes quelques habitants. J'examinai mon journal et je trouvai que Cerne devait être située sur la côte opposée à Carthage, la distance de cette île aux colonnes d'Hercule étant la même que celle de ces mêmes colonnes à Carthage. Nous reprîmes notre navigation et après avoir traversé une rivière appelée Crelle, nous entrâmes dans un lac où se formaient 3 îles plus considérables que Cerne. Nous mîmes un jour à parvenir de ces îles jusqu'au fond du lac. De hautes montagnes en bordaient l'enceinte. Nous y rencontrâmes des hommes couverts de peau et habitant des bois qui nous assaillirent à coups de pierre. Longeant les rives de ce lac, nous touchâmes à un autre fleuve large, couvert de crocodiles et de chevaux marins. De là, nous revirâmes et gagnâmes l'île de Cerne. De Cerne, portant le cap au sud, nous rangeâmes pendant 12 jours une côte habitée par des Éthiopiens qui paraissaient extrêmement effrayés et se servaient d'un langage inconnu même à nos interprètes. Le 12e jour, nous découvrîmes de hautes montagnes chargées de forêts, dont les arbres de différentes espèces sont parfumés. Après avoir doublé ces montagnes en 2 jours de navigation, nous entrâmes dans une mer immense. Dans les parages avoisinant au continent s'élevait une espèce de champ d'où nous voyions durant la nuit sortir par intervalles des flammes les unes plus petites et les autres plus grandes. Les équipages, ayant fait de l'eau, nous serrâmes le rivage pendant 4 jours, et le 5e, nous louvoyâmes dans un grand golfe que nos interprètes appelaient Hesperum Keras, la corne du soir. Nous nous trouvâmes par le gisement d'une île d'une latitude considérable. Un lac salin, dans lequel se formait un îlot, occupait l'intérieur de cette grande île. Nous mouillâmes par le travers de la terre et nous n'aperçûmes qu'une forêt. Mais pendant la nuit, nous voyions des feux et nous entendions le son des fifres, le bruit des timbales et les clameurs d'un peuple innombrable. Saisis de frayeur et recevant de nos devins l'ordre d'abandonner cette île, nous appareillâmes sur le champ et côtoyâmes la terre de feu de Timiaterium dont les torrents enflammés se déchargent dans la mer. Le sol était si brûlant qu'on ne pouvait y arrêter le pied. Nous tournâmes promptement le cap au large et dans 4 jours, nous fûmes portés de nuit à la hauteur d'un pays couvert de flammes, du milieu desquels s'élevait un cône de feu qui semblait se perdre dans les nues. Au jour, nous reconnûmes que c'était une haute montagne nommée Théon Orchema. Ayant doublé les régions ignées, nous ouvrîmes 3 jours après le golfe Notou Keras, la corne de l'Orient, au fond duquel gisait une île avec un lac, un îlot, semblable à celle que nous avions déjà découverte. Ayant touché à cette île, nous la trouvâmes habitée par des sauvages. Le nombre des femmes dominait infiniment celui des hommes. Celles-ci étaient toutes velues et nos interprètes les appelaient gorilles. Nous les poursuivîmes, mais sans pouvoir les atteindre. Ils fuyaient par des précipices avec une étonnante agilité en nous jetant des pierres. Nous réussîmes cependant à prendre 3 femmes. Nous fûmes obligés de les tuer pour éviter d'en être déchirés. Nous en avons conservé les peaux. Ici, nous tournâmes nos voiles vers Carthage, les vivres commençant à nous manquer. Cook n'est plus. Ce grand navigateur a péri aux îles Sandwich qu'il venait de découvrir. Ces vaisseaux, maintenant commandés par les capitaines Clerk et Gore, prêts à appareiller, attendent en rade un vent favorable, tandis que le lieutenant de la Résolution fait, à la vue de la terre, la description suivante. Les habitants des îles Sandwich sont certainement de la même race que ceux de la Nouvelle-Zélande, des îles de la Société et des Amis, de l'île de Pâques et des Marquises, race qui occupe sans aucun mélange toutes les terres qu'on connaît entre le 47e degré de latitude nord et le 20e degré de latitude sud, et les 184 degrés et les 260 degrés de longitude orientale. Ce fait, quelque extraordinaire qu'il paraisse, est assez prouvé par l'analogie frappante qu'on remarque dans les mœurs, les usages des diverses peuplades et la ressemblance générale de leurs traits, et il est démontré d'une manière incontestable par l'identité absolue des idiomes. La taille des naturels des îles Sandwich est en général au-dessous de la moyenne. Ils sont bien faits. Leur démarche est gracieuse, ils courent avec agilité, ils peuvent supporter de grandes fatigues. Les hommes, cependant, sont un peu inférieurs du côté de la force et de l'activité aux habitants des îles des Amis, et les femmes ont les membres moins délicats que celles d'Otaïti. Leur teint est un peu plus brun que celui des Otaïtiens. Leur figure n'est pas si belle, un grand nombre d'individus des deux sexes ont cependant la physionomie agréable et ouverte, les femmes surtout ont de beaux yeux, de belles dents, et une douceur et une sensibilité dans le regard qui préviennent beaucoup en leur faveur. Leur chevelure est d'un noir brunâtre, elle n'est pas universellement lisse comme celle des sauvages de l'Amérique, ni universellement bouclée comme celle des nègres de l'Afrique. Elle varie à cet égard ainsi que celle des Européens. On a parlé souvent dans ce journal de l'hospitalité et de l'amitié avec lesquelles nous fûmes reçus des insulaires. Ils nous accueillirent presque toujours de la manière la plus aimable. Lorsque nous descendions à terre, ils se disputaient le bonheur de nous offrir les premiers présents, de nous apprêter des vivres et de nous donner d'autres marques de respect. Les vieillards ne manquaient jamais de verser des larmes de joie. Ils paraissaient très satisfaits quand ils obtenaient la permission de nous toucher, et ils ne cessaient de faire entre eux et nous des comparaisons qui annonçaient bien de l'humilité et de la modestie. Les jeunes femmes ne furent pas moins caressantes, et elles s'attachèrent à nous sans aucune réserve, jusqu'au moment où elles s'aperçurent qu'elles avaient lieu de se repentir de notre intimité. Les habitants des îles Sandwich diffèrent de ceux des îles des Amis en ce qu'ils laissent presque tous croître leur barbe. Nous en remarquâmes un très petit nombre, il est vrai, notamment le roi, qui l'avait coupé, et d'autres qui ne la portaient que sur la lèvre supérieure. Ils arrangent leur chevelure d'une manière aussi variée que les autres insulaires de la mer du Sud. Mais ils suivent d'ailleurs une mode qui, autant que nous avons pu en juger, leur est particulière. Ils se rasent chaque côté de la tête jusqu'aux oreilles, en laissant une ligne de la largeur de la moitié de la main, qui se prolonge du haut du front jusqu'au cou. Lorsque les cheveux sont épais et bouclés, cette ligne ressemble à la crête de nos anciens casques. Quelques-uns se parent d'une quantité considérable de cheveux faux qui flottent sur leurs épaules en longues boucles, telles qu'on en voit aux habitants de l'île de Horn, dont on trouve la figure dans la collection de M. Dalrymple. D'autres en font une seule touffe arrondie qu'ils nouent au sommet de la tête et qui est à peu près de la grosseur de la tête elle-même. Plusieurs en font 5 à 6 touffes séparées. Ils les barbouillent avec une argile grise mêlée de coquilles réduites en poudre qu'ils conservent en boule et qu'ils mâchent jusqu'à ce qu'elles deviennent une pâte molle quand ils veulent s'en servir. Cette composition entretient le lustre de leur chevelure et la rend quelquefois d'un jaune pâle. Une seule pièce d'une étoffe épaisse d'environ 10 à 12 pouces de largeur qu'ils passent entre les cuisses, qu'ils nouent autour des reins, et qu'ils appellent maraud, forment en général l'habit des hommes. C'est le vêtement ordinaire des insulaires de tous les rangs. La grandeur de leurs nattes, dont quelques-unes sont très belles, varie. Elles ont communément 5 pieds de long et 4 pieds de large. Ils les jettent sur leurs épaules, ils les ramènent en avant. Mais ils s'en servent peu, à moins qu'ils ne se trouvent en état de guerre, comme elles sont épaisses et lourdes et capables d'amortir le coup d'une pierre et d'une arme émoussée. Elles semblent surtout propres à l'usage que je viens d'indiquer. En général, ils ont les pieds nus, excepté lorsqu'ils doivent marcher sur des pierres brûlées. Ils portent alors une espèce de sandale de fibres de noix de coco tressées. Le vêtement commun des femmes ressemble beaucoup à celui des hommes. Elles enveloppent leurs reins d'une pièce d'étoffe qui tombe jusqu'au milieu des cuisses, et quelquefois, durant la fraîcheur des soirées, elles se montrèrent avec de belles étoffes qui flottaient sur leurs épaules selon l'usage des hautes haïtiennes. Le pao est un autre habit qu'on voit souvent aux jeunes filles. C'est une pièce de l'étoffe la plus légère et la plus fine qui fait plusieurs tours sur les reins et qui tombe jusqu'à la jambe de manière qu'elle ressemble exactement à un jupon court. Leurs cheveux sont coupés par derrière et ébouriffés sur le devant de la tête comme ceux des hauts tahitiens et des habitants de la Nouvelle-Zélande. Elles diffèrent à cet égard des femmes des îles des Amis qui laissent croître leur chevelure dans toute sa longueur. Nous vîmes à la baie de Karakakua une femme dont les cheveux se trouvaient arrangés d'une manière singulière. Ils étaient relevés par derrière et ramenés sur le front et ensuite repliés sur eux-mêmes de façon qu'ils formaient une espèce de petit bonnet. Il y a lieu de croire qu'ils passent leur temps d'une manière très simple et peu variée. Ils se lèvent avec le soleil et après avoir joui de la fraîcheur du matin, ils vont se reposer quelques heures. La construction des pirogues et des nattes occupe les arrêts. Les femmes fabriquent les étoffes. Les tautau sont chargés surtout du soin des plantations et de la pêche. Divers amusements remplissent leurs heures de loisirs. Les jeunes garçons et les femmes aiment passionnément la danse et les jours d'appareil, ils ont des combats de lutte et de pugilat bien inférieurs à ceux des îles des Amis, comme on l'a observé plus haut. Il est évident que les naturels de ces îles sont divisés en trois classes. Les arrêts ou les chefs de chaque district forment la première, l'un d'eux est supérieur aux autres et on l'appelle Owihe, Ere Tabo et Ere Moehe. Le premier de ces noms annonce son autorité absolue et le second indique que tout le monde est obligé de se prosterner devant lui ou selon la signification de ce terme, de se coucher pour dormir en sa présence. La seconde classe est composée de ceux qui paraissent avoir des propriétés sans aucun pouvoir, les tautau ou les domestiques qui n'ont ni rang ni propriété, forment la troisième. Il paraît incontestable que le gouvernement monarchique est héréditaire. Le pouvoir des hérés sur les classes inférieures nous a paru très absolu. Des faits que j'ai déjà racontés nous montrèrent cette vérité presque tous les jours de notre relâche. Le peuple, d'un autre côté, a pour eux la soumission la plus entière, et cet état d'esclavage contribue d'une manière sensible à dégrader l'esprit et le corps des sujets. Il faut remarquer néanmoins que les chefs ne se rendirent jamais devant nous coupables de cruauté, d'injustice ou même d'insolence à l'égard de leurs vassaux, mais qu'ils exercent leur autorité les uns sur les autres de la manière la plus arrogante et la plus oppressive. J'en citerai deux exemples. Un chef subalterne avait accueilli avec beaucoup de politesse le master de notre vaisseau, qui était allé examiner la baie de Karakakua la veille de l'arrivée de la Résolution. Voulant lui témoigner de la reconnaissance, je le conduisis à bord quelque temps après et je le présentai au capitaine Cook, qui l'invita à dîner avec nous. Paréa entra, tandis que nous étions à table. Sa physionomie annonça combien il était indigné de le voir dans une position si honorable. Il le prit à l'instant même par les cheveux, il allait le traîner hors de la chambre, notre commandant interposa son autorité, et après beaucoup d'altercations, tout ce que nous pûmes obtenir sans en venir à une véritable querelle avec Paréa fut que notre convive demeurerait dans la chambre, qu'il s'y asserrait par terre et que Paréa le remplacerait à table. Paréa ne tarda pas à être traité aussi durement. Lorsque Toreoboo arriva pour la première fois à bord de la Résolution, Maya Maya, qui l'accompagnait, trouvant Paréa sur le tillac, le chassa de la façon la plus ignominieuse. Nous étions sûrs néanmoins que Paréa était un personnage d'importance. La religion des îles Sandwich ressemble beaucoup à celle des îles de la Société et des îles des Amis. Les Morai, les Vatan, les idoles, les sacrifices et les hymnes sacrés sont les mêmes dans les trois groupes et il paraît clair que les trois tribus ont tiré leurs notions religieuses de la même source. Les cérémonies des îles Sandwich sont, il est vrai, plus longues et plus multipliées, et quoiqu'il se trouve dans chacune des terres de la mer du Sud une certaine classe d'hommes chargés des rites religieux, nous n'avions jamais rencontré de société réunie de prêtres lorsque nous découvrîmes les cloîtres de Kakoa dans la baie de Karakakoa. Le chef de cet ordre s'appelait Orano, dénomination qui nous parut signifier quelque chose de très sacré, et qui entraînait pour la personne d'Oméa des hommages qui allaient presque jusqu'à l'adoration. Il est vraisemblable que certaines familles jouissent seules du privilège d'entrer dans le sacerdoce, ou du moins de celui d'en exercer les principales fonctions. Homéa était fils de Kao et oncle de Kariekea. Ce dernier présidait, en l'absence de son grand-père, à toutes les cérémonies religieuses du Mora. Nous remarquâmes aussi qu'on ne laissait jamais paraître le fils unique d'Homéa, enfant d'environ 5 ans, sans l'environner d'une suite nombreuse et sans lui prodiguer des soins tels que nous n'en avions jamais vu de pareils. Il nous semble qu'on mettait un prix extrême à la conservation de ses jours et qu'il devait succéder à la dignité de son père. J'aurais en vain multiplié les mots pour faire sentir la disparité des siècles, aussi bien qu'on l'aperçoit par le rapprochement de ces deux voyages. Rien ne montre mieux l'esprit, les lumières de l'âge, le caractère des anciens et surtout celui des Carthaginois que le journal du suffète Hannon. L'ignorance de la nature et de la géographie, la superstition, la crédulité, s'y décèlent à chaque ligne. On ne saurait encore s'empêcher de remarquer la barbarie des marins puniques. Bien que les femmes velues dont ils parlent ne fussent vraisemblablement qu'une espèce de singe, il suffisait que l'amiral africain les crût de la nature humaine pour rendre son action atroce. Quelle différence entre ce mélange grossier de cruautés et de fables et le bon Cook, cherchant des terres inconnues, non pour tromper les hommes, mais pour les éclairer, portant à de pauvres sauvages les besoins de la vie, jurant tranquillité et bonheur sur leurs rives charmantes à ces enfants de la nature, semant parmi les glaces australes les fruits d'un plus doux climat, soigneux du misérable que la tempête peut jeter sur ses bords désolés, et imitant ainsi par ordre de son souverain la providence qui prévoit et soulage les maux des hommes. Enfin, cet illustre navigateur resserré de toutes parts par les rivages de ce globe, qui n'offre plus de mers à ses vaisseaux, et connaisse désormais la mesure de notre planète comme le Dieu qui l'a arrondie entre ses mains. Cependant, il faut l'avouer, ce que nous gagnons du côté des sciences, nous le perdons en sentiments. L'âme des anciens aimait à se plonger dans le vague infini, la nôtre est circonscrite par nos connaissances. Quel est l'homme sensible qui ne sait trouver souvent à l'étroit dans une petite circonférence de quelques millions de lieues? Lorsque, dans l'intérieur du Canada, je gravissais une montagne, mes regards se portaient toujours à l'ouest, sur des déserts infréquentés qui s'étendent dans cette longitude. À l'Orient, mon imagination rencontrait aussitôt l'Atlantique, des pays parcourus, et je perdais mes plaisirs. Mais, à l'aspect opposé, il m'en prenait presque aussi mal. J'arrivais incessamment à la mer du Sud, de là en Asie, de là en Europe, de là... J'eusse voulu pouvoir dire, comme les Grecs, « et là-bas, la terre inconnue, la terre immense !» Tout se balance dans la nature. S'il fallait choisir entre les lumières de Cook et l'ignorance d'Hannon, j'aurais, je crois, la faiblesse de me décider pour la dernière. Chapitre 36. Influence de la Révolution grecque sur Carthage. Carthage, au moment de la fondation des républiques en Grèce, se trouvait, par rapport à celle-ci, dans la même position que l'Angleterre vis-à-vis de la France actuelle. Possédant à peu près la même constitution, les mêmes richesses, le même esprit guerrier et commerçant que la Grande-Bretagne, séparée comme elle du pays en révolution par les mers, aussi libre ou plus libre que ce pays même, elle était garantie de l'influence militaire de Sparte et d'Athènes par la supériorité de ses vaisseaux, et du danger de leurs opinions politiques par l'excellence de son propre gouvernement. Les peuples maritimes ont cet avantage inestimable d'être moins exposés que les nations agricoles à l'action des mouvements étrangers. Outre la barrière naturelle qui les protège contre une force invasive, s'ils sont insulaires ou placés sur un continent éloigné, la superfluité de leur population trouve sans cesse un écoulement au dehors, sans demeurer en un état croupissant de stagnation dans l'intérieur. Le reste des citoyens, occupés du commerce de la patrie, a peu de temps de s'embarrasser de rêveries politiques. Là où les bras travaillent, l'esprit est en repos. Carthage encore, lors de la chute des Pisistratides, élevée à l'empire des mers et à la traite du monde entier, sur les débris du commerce de Tyr, comme l'Angleterre de nos jours, sur les ruines de celui de la Hollande, approchait du fait de la prospérité. Par une autre ressemblance de fortune non moins singulière, elle crut devoir prendre une part active contre la révolution républicaine d'Athènes en faveur de la monarchie. Xérès, qui, en prétendant rétablir Hippias sur le trône, méditait la conquête de l'Attique et du Péloponnèse, engagea les Carthaginois à attaquer en même temps les colonies grecques en Sicile. Hamilcar, à la tête de plus de 300 000 hommes et d'une flotte nombreuse, aborde à Panorme et met le siège devant Himère. Gélon accourt de Syracuse avec 50 000 citoyens au secours de la place, tombe sur le général africain, détruit son armée et le force de se jeter lui-même dans un bûcher allumé pour un sacrifice. C'est ainsi qu'une fortune ennemie voulut nommer ensemble Himère et Dunkerque. L'enthousiasme dans la victoire, le découragement dans la défaite, est un trait de caractère que les souverains des mers d'autrefois ont possédé avec les maîtres de l'océan de nos jours. Que de fois, durant le cours des hostilités présentes, sans la mâle fermeté des ministres, l'Angleterre ne se serait-elle pas jetée aux pieds de sa rivale ? La nouvelle de la destruction de l'armée n'arriva pas plus tôt en Afrique que le peuple tomba dans le désespoir. Il voulut la paix à quelque prix que ce fût. On députa humblement vers Gélon, qui mérita sa victoire par la modération dont il en usa envers ses ennemis. Il exigea seulement qu'ils payassent les frais de la campagne qui ne s'élevaient pas au-dessus de 2 000 talents. Ainsi se termina pour les Carthaginois cette guerre si funeste à tous les alliés qui eut encore cela de remarquable qu'elle cessa peu à peu telle que la guerre actuelle a déjà fini en partie par les paix forcées et partielles des différents coalisés. Depuis le traité entre l'Afrique et la Grèce, les deux pays vécurent longtemps en intelligence et l'influence de la révolution républicaine du dernier, se trouvant arrêtée par les causes que j'ai ci-dessus assignées, se borna quant à Carthage au malheur passager que je viens de décrire. Chapitre 37. Libérie. Sur le bord opposé du détroit de Gade, qui séparait les possessions africaines de Carthage de ses colonies européennes, on trouvait Libérie, pays sauvage et à peine connu des anciens, à l'époque dont nous retraçons l'histoire. Il était habité par plusieurs peuples, celtes d'origine, dont les uns se distinguaient par leur courage et leur mépris de la mort, les autres, pleins d'innocence, passaient pour les plus justes des hommes. Malheureusement, leur fleuve roulait un métal qui les décela à l'avarice. Les Tyriens, pour l'obtenir, trompèrent d'abord leur simplicité. Les Carthaginois bientôt les asservirent et, les forçant à ouvrir les mines, les y plongèrent tout vivants. Si ce livre traversait les mers, s'il parvenait jusqu'à l'Indien enseveli sous les montagnes du Potos, il apprendrait que ses cruels maîtres ont autrefois, comme lui, péri esclaves sous leur terre natale, qu'ils y ont fouillé ce même or pour une nation étrangère apportée chez eux par les flots. Cet Indien adorerait en secret la Providence et reprendrait son hoyau moins pesant. Au reste, il est probable que les troubles de la Grèce réagirent sur les malheureux habitants de Libérie. Carthage, pour payer les frais de la guerre contre la Sicile, multiplia sans doute les sueurs de ses esclaves. À chaque écu dépensé par le vice en Europe, des larmes de sang coulent dans les abîmes de la terre en Amérique. C'est ainsi que tout se lie, et qu'une révolution, comme le coup électrique, se fait sentir au même instant à toute la chaîne des peuples. Chapitre 38. Les Celtes. Par-delà les Pyrénées habitait un peuple nombreux connu sous le nom de Celtes, dont la puissance s'étendait sur la Bretagne, les Gaules et la Germanie. Unis de mœurs et de langage, il ne lui manquait que de se gouverner en unité pour enchaîner le reste du monde. Le tableau des nations barbares offre je ne sais quoi de romantique qui nous attire. Nous aimons qu'on nous retrace des usages différents des nôtres, surtout si les siècles y ont imprimé cette grandeur qui règne dans les choses antiques, comme ces colonnes qui paraissent plus belles lorsque la mousse des temps s'y est attachée. Plein d'une horreur religieuse, avec le Gaulois à la chevelure bouclée, au large brocart, à la tunique courte et serrée par la ceinture de cuir, on se plaît à assister dans un bois de vieux chênes, autour d'une grande pierre, au mystère redoutable de Teutates. La jeune fille, à l'air sauvage et aux yeux bleus, est auprès. Ses pieds sont nus, une longue robe la dessine, le manteau de canevas se suspend à ses épaules, sa tête s'enveloppe du kerchef, dont les extrémités, ramenées autour de son sein et passant sous ses bras, flottent au loin derrière elle. Le druide, sur le cromlech, se tient au milieu, en blanc sagoum, un couteau d'or à la main, portant au cou une chaîne et au bras des bracelets de même métal. Il brûle avec des mots magiques quelques feuilles de gui sacré cueillies le sixième jour du mois, tandis que les eubages préparent dans la clef d'osier la victime humaine et que les bardes, touchant faiblement leur harpe, chantent à demi-voix dans l'éloignement Odin, Thor, Tuisko et Héla. Le grand corps des Celtes se divisait en une multitude de petits états, gouvernés par des jarls ou chefs militaires. La partie politique et civile était abandonnée aux druides. Cet ordre célèbre semble avoir existé de toute antiquité, et quelques auteurs même en ont fait la source d'où découlèrent les sectes sacerdotales de l'Orient. Ils se partageaient en trois branches, les druides, dépositaires de la sagesse et de l'autorité, les bardes, rémunérateurs des actions des héros, les eubages, veillant à l'ordre des sacrifices. Ces prêtres enseignaient l'immortalité de l'âme, la récompense des vertus, le châtiment des vices, et un terme de la nature fixé pour un général bonheur. Plusieurs nations ont cru dans ce dernier dogme qui tire sa source de nos misères. L'espérance peut nous faire oublier nos maux, mais comme une liqueur enivrante qui nous tue. Ce n'est pas ici le lieu de nous étendre sur les mœurs, les lumières, les coutumes des nations barbares. Elles fourniront ailleurs un chapitre intéressant. À présent, notre description formerait un anachronisme. Ce que nous savons d'elle est en postérieur au règne de Xérès. Nous devons seulement montrer que les révolutions de la Grèce étendirent leur influence jusque sur ces peuples sauvages. Une colonie phocéenne, pleine de l'amour de la liberté qu'elle ne pouvait conserver sur les rivages de l'Asie, chercha l'indépendance sous un ciel plus propice et fonda dans les Gaules l'antique Marseille. Bientôt, les lumières et le langage de ces étrangers se répandirent parmi les druides. Il serait impossible de suivre dans l'obscurité de l'histoire les conséquences de ces innovations, mais elles durent être considérables. Nous savons que souvent la moindre altération dans le costume d'un peuple suffit seule pour le dénaturer. Sans recourir aux conjectures, l'établissement des Phocéens dans les Gaules devint une des causes secondaires de l'esclavage de ces derniers. Fidèles alliés des Romains, les Marseillais ouvraient une porte aux armées des Césars et une retraite assurée en cas de revers. Leur connaissance du pays, leur courage, leur lumière, tout tournait au désavantage des peuples galliques. C'est ainsi que les hommes sont ordonnés les uns aux autres. Les fils de leur destinée viennent aboutir dans la main de Dieu. L'un ne saurait être tiré sans que tous les autres soient mus. Je finirai cet article par une remarque. Les Marseillais, différents d'origine des autres peuples de la France, ont aussi un caractère à eux. Ils semblent avoir conservé le génie factieux de leurs fondateurs, leur courage bouillant et éphémère, leur enthousiasme de liberté. On nie maintenant le pouvoir du sang parce que les principes du jour s'y opposent, mais il est certain que les races d'hommes se perpétuent comme les races d'animaux. C'est pourquoi les anciens législateurs voulaient qu'on élevât que des enfants forts et robustes, comme on prend soin de ne nourrir que des coursiers belliqueux. Chapitre 39. L'Italie. L'Italie, à l'époque de la Révolution républicaine en Grèce, était, ainsi que de nos jours, divisée en plusieurs petits états à peu près semblables, de mœurs et de langage. Nous les considérons à la fois pour éviter les détails inutiles. La constitution monarchique régnait généralement chez tous ces peuples. Leur religion ressemblait à celle des Grecs, ils y ajoutèrent l'art des augures. Leurs coutumes n'étaient pas sans luxe, leurs usages sans corruption. L'un et l'autre y avaient été introduits par les cités de la Grande Grèce. Déjà ces nations comptaient quelques philosophes. Tagès, le plus ancien d'entre eux, fut un imposteur ou un insensé qui inventa la science des présages. Un autre auteur inconnu écrivit sur le système de la nature. Il disait que le monde visible mit 60 siècles à éclore avant d'être habité, qu'il en durerait encore 60 avant de se dissoudre, fixant à 12 000 ans la période complète de son existence. En politique, Romulus et Numa avaient brillé. Plutarque a comparé celui-là à Thésée et celui-ci à Lycurgue. Le premier parallèle est aussi heureux que le second semble intolérable. Qu'avaient de commun les lois théocratiques du roi de Rome avec les institutions sublimes du législateur de Sparte? Plusieurs philosophes se sont enthousiasmés de Numa sur la seule idée qu'il étudia sous Pythagore. La chronologie a prouvé un intervalle de plus d'un siècle entre l'existence de ces deux sages. Que devient le mérite du premier? Il y a beaucoup d'hommes qu'on cesserait d'estimer si on pouvait ainsi relever toutes les erreurs de compte. Chapitre 40. Influence de la Révolution grecque sur Rome. À l'époque de l'établissement des républiques en Grèce, une grande révolution s'était pareillement opérée en Italie. L'année qui vit bannir le tyran de l'Attique vit aussi tomber celui du Latium. Que si l'on considère les conséquences de ces deux événements, cette année passera pour la plus fameuse de l'histoire. La réaction du renversement de la monarchie à Athènes fut vivement sentie à Rome. Brutus avait été envoyé par Tarquin vers l'oracle de Delphes à l'époque de la chute d'Hippias. Je ne puis croire que le cœur du patriote ne battit pas avec plus d'énergie lorsqu'en sortant de son pays esclave, il mit le pied sur cette terre d'indépendance. Le spectacle d'un peuple en fermentation et prêt à briser ses fers dut porter la flamme dans le sang du magnanime étranger. Peut-être au récit de la mort d'Harmodius, raconté par quelques prêtres du temple, le front rougissant de Brutus dévoila-t-il toute la gloire future de Rome. Il retourna au bord du Tibre, non vainement inspiré de cet esprit qui agite une faible pitié, mais plein de ce Dieu qui donne la liberté aux empires et ne se révèle qu'aux grands hommes. Rome, dans la suite, eut encore recours à la Grèce et les Athéniens devinrent les législateurs du premier peuple de la terre. Ceci tient à l'influence éloignée de la Révolution dont je parlerai ailleurs. Mais la politique verbeuse de l'Attique, qui entrait en Italie par le canal de la Grande Grèce, trouva une barrière insurmontable dans l'heureuse ignorance des peuples de l'intérieur. Le citoyen, accoutumé aux exercices du champ de Mars, à l'obéissance des lois et à la crainte des dieux, n'allait point dans des écoles de démagogie apprendre à vociférer sur les droits de l'homme et à bouleverser son pays. Les magistrats veillaient à ce que ces lumières inutiles ne corrompissent pas la jeunesse. Rome, enfin, opposa à la Grèce république à république, liberté à liberté, et se défendit des vertus étrangères avec ses propres vertus. Que si l'on s'étonne de ceci, je n'ai pas dit vertu, mais vertu, us, chose totalement différente et que nous confondons sans cesse. La première est immuable de tous les temps, de toutes les choses. Les secondes sont locales, conventionnelles, vices ici, vertus ailleurs. Distinction peu juste, répliquera-t-on, puisque alors vous faites de la vertu un sentiment inné, et que cependant les enfants semblent n'en avoir aucune. Et pourquoi demander du cœur ses fonctions les plus sublimes lorsque le merveilleux ouvrage est entre les mains de l'ouvrier? Qu'on ne dise pas qu'il soit futile de s'attacher à montrer le peu d'influence que l'établissement des gouvernements populaires parmi les Grecs dut avoir à Rome, objectant que celle-ci étant républicaine, des républiques ne pouvaient agir sur elle. La France n'a-t-elle pas détruit Genève et la Hollande, ébranlé Gênes, Venise et la Suisse? N'a-t-elle pas été sur le point de bouleverser l'Amérique même? Sans vous, grand homme, qui avez daigné me recevoir et dont j'ai visité la demeure avec le respect qu'on porte dans un temple, que serait devenu tout votre beau pays? Fin de la section 5.